Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Sourate l'Isra, verset 57. Et la preuve des arbres et des pierres est sa parole dont la traduction du sens est que vous ensemble des divinités Lat et Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre, sourate Najm, verset 19 et 20. Et le hadith d'Abu Waqid al-Layfi, qu'à la grecque, dit « Nous sortîmes avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers Hunayn, alors que nous étions récemment convertis à l'islam, et les associateurs avaient un jujubier auprès duquel ils restaient, sur lequel ils accrochaient leurs armes, qui étaient appelées « Zat Anwaqa ». Yanwutuna biha aslihatahum, Zat Anwaqa. Nous sommes donc passés près d'un jujubier et nous dit « Ô messager d'Allah, donne-nous un Zat Anwaqa, comme ils ont un Zat Anwaqa » jusqu'à la fin du hadith. Quand il dit « Al-Hadith », hein, on va voir ça plus tard, Inch'Allah. Le Mashiach, quand il disait l'ayah, c'est-à-dire Akmil l'ayah, hein, ou bien Al-Hadith, Akmil l'hadith, ou bien il a Akhiri l'hadith. Maintenant, l'explication de Cheikh Al-Bukhari, Hafidahullahu Ta'ala. On est arrivé d'ailleurs dans les angles d'explication au quatrième angle. On est arrivé au wajh al-rabi' fi siyaqi hadhihi al-adillati 'inda qawlihi. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون من سورة فصلت أي الشاهد من هذا الدليل وهو الوجه الرابع قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر إذ فيه بيان أن هناك من يسجد لهما لذا نهى سبحانه وتعالى عن السجود لهما وأمر بالضد ذلك وهو السجود له سبحانه الذي خلقهن ونهيه جل وعلا عن السجود لهما وفي الحقيقة أيضا دليل على نهيه عن عبادة جميع المخلوقات بجميع أنواع العبادات والدليل أنه أمر بالسجود له الذي هو أحد أنواع العبادة واضح؟ دوك ici, Cheikh Hafidahullah, il dit le quatrième angle, toujours par rapport à cette troisième règle, eh bien, c'est dans le contexte de ses preuves à sa parole, et la preuve du soleil et de la lune, la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est, parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Sourate Fussilat, verset 37. C'est-à-dire que le témoin argumentatif, c'est important de comprendre que quand un cheikh rapporte mis'ala, il rapporte dalil mis'ala, mais il faut voir en quoi ce dalil correspond à la mis'ala. Hein? D'accord? C'est témoin argumentatif. Pourquoi quand tu cites un verset, quel est le témoin argumentatif dans ce verset que tu as cité par rapport à la mis'ala que tu es en train de ramener? D'accord? Il dit, c'est-à-dire que le témoin argumentatif de cette preuve est le quatrième angle. La parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est, ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune. D'accord, parce qu'on a dit que les gens, il faut situer un peu. Le Cheikh Al-Islam Mohammed Al-Wahhab, il ramène des preuves sur quoi? Sur ce qu'il dit. Il dit que les gens ont différents genres d'adoration, hein, ou plutôt genre, différents genres d'associations à Allah Azza wa Jal. D'accord? Et parmi eux, il y en a qui adorent le soleil et la lune. Le verset, il est clair, et le thème argumentatif, il dit, car il y a en cela la mise en évidence du fait qu'il y a des gens qui se prosternent pour le soleil et pour la lune. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a interdit de se prosterner pour eux et a ordonné le contraire de cela. Qui est de se prosterner pour lui qui les a créés. Et l'interdiction d'Allah le Très-Haut, ça c'est important de comprendre ça ici, l'interdiction d'Allah le Très-Haut de se prosterner pour le soleil et la lune est aussi en réalité une preuve de son interdiction d'adorer toutes les créatures par tout genre d'adoration. Et la preuve est qu'il a ordonné de se prosterner pour lui qui est l'un des genres d'adoration. Le cher dit, est-ce clair? Al-Wajh al-Khamis, le cinquième angle, d'explication de cette règle. قوله دليل ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من سورة آل عمران ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية من سورة المائدة أقول قوله رحمه الله ودليل الملائكة قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال أي لا يأمركم تعالى بعبادة أحد غير الله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إذ قال أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون من سورة آل عمران كذلك من فيرسي 80 أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، من سورة الأنبياء. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من سورة النحل. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، من سورة الزخرف. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، من سورة الأنبياء. Donc le cinquième angle ici d'explication c'est et la preuve des anges et la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi à vous qui êtes musulmans? Surat Ali Imran verset 80. Et la preuve des prophètes est sa parole dont la traduction du sens est rappelle-leur le moment où Allah dira ô Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Et on va voir dans les paroles de, des imams de la communauté qui ont expliqué ce verset. Regardez l'adab d'Isa alayhi salam envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Surat al-Ma'idah, verset 116. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde, est la preuve des anges. L'imam Nukati, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans son tafsir, dans son exégèse, c'est-à-dire qu'Allah le Très-Haut ne vous ordonne d'adorer personne si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala, ni prophète envoyé, ni ange rapproché, car il a dit, selon la traduction du sens est, vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans, surat al-Imran verset 80, c'est-à-dire, ne fait cela que celui qui est appelé à adorer autre qu'Allah. Et quiconque appelle à adorer autre qu'Allah aura appelé à la mécréance. Et les prophètes, alayhi salatu wassalam, n'appellent qu'à la foi qui est d'adorer Allah seul, sans lui donner d'associé. Comme il a dit, c'est dans la traduction du sens est, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous nous ayons révélé, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Surat al-Anbiya verset 25. Et il a dit, c'est dans la traduction du sens est, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du ta'out. Surat Nahl verset 36. Et il a dit, c'est dans la traduction du sens est, et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités adorées. Surat Zukhruf verset 45. Et il a dit, informant au sujet des anges, selon la traduction du sens est, et quiconque d'entre eux dirait je suis une divinité en dehors de lui, nous le rétribuerons de l'enfer, c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Surat al-Anbiya, verset 29. Est-ce clair? Sixième angle, l'ouaj al-Sadis. في قوله ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا محل أو هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عيسى بن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يقول رحمه الله ابن كثير رحمه الله وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره إلى أن قال وقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال انظر إلى هذه اللفتة، قال هذا توفيق أي من الله لعيسى عليه السلام، هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، التأدب في جوابه مع الله عز وجل، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا من الأدب. Donc le sixième angle dans sa parole est la preuve des prophètes et sa parole dont la traduction du sens est rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Surat Al-Ma'ida, verset 116. Et l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, dans son exégèse, il a dit: ceci fait partie de ce qu'Allah dira à son serviteur et son messager, Isa, le fils de Marie, alayhi salam, le jour du jugement dernier, en présence de ceux qui l'ont pris, lui et sa mère, comme divinité en dehors d'Allah. Ce dont la traduction du sens est: rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Yaqulu rahimahullah, c'est une petite partie que j'ai oublié de traduire ici, mais on va le faire maintenant. Yaqulu rahimahullah Ibn Kathir, wa hada tahdidun lin nasara. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une menace pour les chrétiens. Wa tawbih, et un blâme. D'accord? Wa taqri'un ala ru'us al-ashhad. Et ça, devant tous, au vu de tous. هكذا قاله قتادة وغيره إلى أن قال تل أدي قتادة et d'autres que lui, jusqu'à ce qu'ils disent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. C'est-à-dire: gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et ici, il attire notre attention, Cheikh Al-Bukhari, il dit, il regarde ce point sur lequel il attire l'attention, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Ceci a été facilité, saint tawfiq, par Allah, à Isa, alayhi salam, à ce qu'il soit plein de politesse, ta'addub, dans sa réponse parfaite, fi jawabihi al-kamil. Car il fut plein de politesse dans sa réponse avec Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Il dira: gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et Cheikh, il dit: « وَهَدَ مِنَ الْأَدَبِ » Et ceci fait partie des bonnes manières, du bon comportement. « وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِي رَحِمَهُ اللَّهُ مُعَلِّقًا عَلَى قَوْلِهِ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ قال أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي ما هي للشيخ البخاري دي اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي فإنه ليس أحد من المخلوقين لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الألوهية وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون أي بأمره جل وعلا انتهى كلامه رحمه الله. Le savantissime Sa'di رحمه الله, عبد الرحمن بن ناصر Sa'di رحمه الله, il a dit, expliquant la parole dans la lettre ou dans la traduction du sens est: il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Surat Al-Ma'idah, verset 116, il dit, le même Sa'di rahimahullah, c'est-à-dire, il ne sied pas, il ne convient pas que je déclare quelque chose qui ne fait pas partie de mes caractéristiques ni de mes droits. Qu'est-ce, Cheikh Al-Bukhari, il dit, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Il ne sied pas, il ne convient pas que je déclare quelque chose qui ne fasse pas partie de mes caractéristiques ni de mes droits. Car nul parmi les créatures, ni les anges, ni les prophètes envoyés, ni qui que ce soit d'autre n'a le droit ou le mérite en la divinité. Mais au contraire, tous sont des serviteurs qui sont administrés et des créatures assujetties, c'est-à-dire à son ordre, subhanahu wa ta'ala. C'est la fin de la parole de l'imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Septième angle, وقال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية من سورة الإسراء الوسيلة هي الطاعة والقربة إذ التوسل من معانيها التقرب فالوسيلة هي القربة قال صاحب القاموس ووسل إلى الله تعالى توسيلا عملا تقرب به إليه كتوسل انتهى كلامه رحمه الله. Le septième angle, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a dit, et la preuve des vertueux est sa parole dans la traduction du sens est, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. On va voir dans un instant ce que ça veut dire plus en détail ce verset, inshallah. Jusqu'à la fin du verset. Hein, vous avez dit al-aya al-hadith, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset. Quand vous voyez toujours un verset, vous voyez al-aya, c'est-à-dire que le verset n'est pas complet. C'est-à-dire jusqu'à la fin du verset ou bien complète le verset. Hein? Ou bien le hadith, comme dans le hadith Abu Waqir al-Layfi, il a dit al-hadith. C'est-à-dire, il a akhir al-hadith ou bien akbil al-hadith. il dit al-wasila dans le verset yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab. Al-wasila dans le verset est l'obéissance, at-ta'a, et le rapprochement, car parmi les sens du tawassul c'est le rapprochement, et donc al-wasila est le rapprochement. L'auteur d'Al-Qamous, il a dit wassala ila Allah ta'ala tawsilan, il a fait une action par laquelle il se rapproche de lui comme tawassul. Fin de citation, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc, فَقَلُهُ فِي الْآيَةِ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةِ أَيْ يَطْلُبُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْقُرْبَ بِالطَّاعَةِ وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ بِمَا يُشْرَعُ أَوْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّلَ بِهِ. واضح؟ لا يجوز لك أن تتوسل إليه بما لا يجوز، إنما يشرع لك أو يستحب لك أن تتوسل إليه بما شرعه لك جل وعز. On avait déjà parlé de tawassul dans l'aqid l'islam, etc. Les ulama en général, ils divisent tawassul en deux catégories. C'est le tawassul mashrou' ou tawassul mamnou', tawassul légiféré, tawassul qui est interdit. Et avec le détail que font les ulama, revenez au cours d'un aqid l'islam qu'on a fait ou à d'autres cours par rapport à ça. On a dit يستحب لك أن تتوسل إليه بما شرعه لك جل وعز في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل الوسائط بينه وبين المخلوقين وبين الله يدعوهم ويتوسل بهم ويستشفع بهم عند الله فقد توسل بشيء لا يجوز وأشرك فيه مع الله غيره. إلى دين الشيخ الشيخ حفظه الله. Et donc ça parle dans le verset dont la traduction du sens est: et ils cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils cherchent à se rapprocher de leur Seigneur par l'obéissance. Et donc en se basant sur cela, il est obligatoire aux serviteurs de prendre pour moyen de se rapprocher d'Allah ce qui lui est légiféré, ou ce qui lui est permis comme moyen de se rapprocher de lui. Est-ce clair? Il ne t'est pas permis de prendre ce qui n'est pas permis pour moyen de te rapprocher d'Allah. Il ne t'est légiféré ou il ne t'est préférable de prendre pour moyen de te rapprocher de lui que ce qu'il t'a légiféré subhanahu wa ta'ala dans son livre ou par la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc quiconque prend des intermédiaires parmi les créatures entre lui et Allah, les invoquant et les prenant pour moyen de se rapprocher d'Allah et les utilisant comme intercesseurs auprès d'Allah, aura alors pris comme moyen de se rapprocher d'Allah ce qui n'est pas permis et l'aura associé en cela à Allah autre que lui. جاء في الصحيحين في الصحيحين ما يبين سبب نزول هذه الآية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك الإنسيون بدينهم أي بعبادتهم، مع أنهم قد إيش قد أسلموا. وفي رواية ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وضح. قال العلامة السعدي رحمه الله أخبر تعالى أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله ابتغاء الوسيلة إليه. فقال تعالى أولئك الذين يدعون، أي من الأنبياء والصالحين والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب وفي القرب من ربهم جل وعلا، ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إليه جل وعلا وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب، إن عذاب ربك كان محذورا. فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب، إن عذاب ربك كان محذورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة في كل خير. فمن تمت له أموره، وإذا خال القلب ترجلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور، وعلامة القلب أو علامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في كل قربة بإخلاص الأعمال كلها لله جل وعز، والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. On a dit qu'il était rapporté dans les deux authentiques ce qui met en évidence la raison pour laquelle ce verset a été révélé. Il a été rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda qu'il a dit il y avait des êtres humains, et là vous allez mieux comprendre le verset, il y avait des êtres humains qui adoraient des djinns, mais les djinns se sont convertis à l'islam. Alors que les êtres humains sont restés attachés à leur religion, c'est-à-dire à leur adoration, alors que les djinns, quoi? Ils se sont convertis à l'islam. Dans une autre version, des djinns étaient adorés et ils se sont convertis à l'islam. Est-ce clair? Le très savant Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, Allah le Très-Haut a informé que ceux qu'ils adorent en dehors de lui sont affairés d'eux et occupés par leurs préoccupations eux-mêmes à adorer Allah et à chercher le moyen de se rapprocher d'Allah le Très-Haut. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire parmi les prophètes et les vertueux et les anges, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont en compétition. Et on a déjà rapporté dans un des cours que le mot tanafus, tanafas yatanafasu tanafusan, d'accord, le verset est connu, وَفِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, ça vient du mot nafis, quelque chose de précieux. D'accord, c'est comme s'il y avait quelque chose de précieux que chacun cherchait à l'avoir. D'accord. On a dit ici, c'est-à-dire qu'ils sont en compétition dans le fait de se rapprocher de leur Seigneur et ils font ce qu'ils peuvent comme action vertueuse qui rapproche de lui et de sa miséricorde et craignent son châtiment. Et donc ils s'écartent de tout ce qui les fait arriver au châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Et donc ils s'écartent de tout ce qui les fait arriver au châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. C'est-à-dire que c'est celui au sujet duquel il est obligatoire de redouter fortement et de se protéger de ses causes, des causes du châtiment. Et ces trois choses, quelles trois choses? La crainte, et l'espoir, et l'amour, par lesquels Allah a décrit ceux-là qui sont proches de lui, ces trois choses sont le fondement et la matière dans tout bien. Et celui pour lequel elles sont concrétisées, ses affaires sont concrétisées. Et si le cœur en est vide, alors les biens s'écartent de lui et les maux l'entourent. Et les signes du cœur ou les signes de l'amour sont ce qu'Allah a dit. Que le serviteur fasse des efforts dans la mise en application de tout acte qui le rapproche d'Allah. Et qu'il soit en compétition dans tout acte d'adoration en vouant de manière sincère tous les actes à Allah et à les conseiller et qu'il les fasse de la manière la plus parfaite qui soit possible. Et quiconque prétend aimer Allah par autre que cela est un menteur. Et chers, dit naqifu inda hada hatta la nu'atti al-ikhwa 'an al-dihab wa nukmilu insha Allah fi al-liqa al-qadim bi idhnillah jalla wa 'azz wa ad-dars alladhi ba'da hada aw al-kitab alladhi ba'da hada insha Allah huwa kitab al-usul sita lil-imam Muhammad ibn Ahmad rahimahullah. Nous va continuer un peu, mais là on arrivait, on avait déjà dit depuis le début que le cours de Cheikh al-Bukhari c'est en trois cours en arabe. Là on a fini le deuxième maintenant. Et il dit d'ailleurs, c'est la fin du deuxième cours d'explication de l'épître les quatre règles. Et il dit que il va terminer dans le cours d'après, celui qu'on va commencer maintenant d'ailleurs, inshallah. Et puis il annonce déjà le livre suivant, qui est l'Usul Sitta. C'est-à-dire que Cheikh Al-Bukhari, après avoir fait Qawl Arba, il a fait l'Usul Sitta. D'accord. Nous, on va faire le troisième cours. Inshallah, on va terminer Qawl Arba normalement le cours prochain. Normalement, le cours prochain, on va terminer. Il restera peut-être le neuvième, une partie du neuvième angle d'explication de la troisième règle, puis la quatrième règle. Je pense que l'explication est assez courte. Et après, le reste du cours, c'est des questions-réponses du cheikh. On va les faire aussi, inshallah. Donc, le cours prochain, on devrait terminer les quatre règles. Et puis, peut-être un ou deux cours, les questions-réponses. Et alors là, on a fini les trois cours de Cheikh al-Bukhari, inshallah. Traduction du troisième cours, donc. Nous terminons les angles, le cheikh, il dit... نكمل الأوجه الباقية أو المتبقية في من شرح القاعدة الثالثة وقفنا عند الوجه الثامن تكلمنا عن الوجه السابع شيخ الدين nous terminons les angles qui restent concernant la troisième règle et nous nous étions arrêtés au huitième angle et nous avions parlé au sujet du septième angle. Maintenant il va rapporter le huitième angle d'explication de quelle règle là, troisième règle, d'accord. الوجه الثامن فيما استدل به الشيخ رحمه الله بعبادة بعض للأشجار والأحجار. On a déjà vu qu'il y avait quoi, la ibada de salihin, la ibada de quoi, du soleil et de la lune et de quoi d'autre, des anges, hein, et des prophètes, etc. Il y en a aussi qui adorent quoi, les arbres et les anges, d'accord. Il dit بعبادة بعض للأشجار والأحجار. قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم ذكر الشيخ هنا وهذا الوجه الثامن كما قلت ذكر آية النجم وهو قوله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى. اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج ويطعمه الحجاج أو للحجاج، ف فما مات بنوا على قبره بناء وجعلوا على ذلك البناء استارا وصار يعبد من دون الله جل وعز. Faut savoir que on va voir dans un instant, inchallah, Charles Fouzan dans Ya'alak Mustafid, Charah Kitab al-Tawhid. Ça, c'est un livre que je pense peut-être à faire après celui-ci. Mais c'est. Et en fait, Kitab al-Tawhid, vous savez que Charles Fouzan, il a plusieurs explications. Il a une explication qui est le Moulakhas, qui est une explication résumée en un volume. Il a Ya'alak Mustafid qui est en deux volumes, hein, qui est vraiment très très bien, très complète. Et ici, il est possible, si on continue les cours, qu'on fasse. Celui-là. Parce que je pense qu'il t'a d'un jour ou l'autre, c'est important de le faire. On a déjà fait Usul Sitta, alhamdulillah, on a déjà fait Usul Talata, on a déjà fait Qad Arba, on a déjà fait Nawaqid al-Islam. Donc je pense que peut-être Kitab Tawhid, on verra, Inch'Allah. J'en étais. Oui, l'at, il y a différents. Cheikh Al-Fawzan, il y a deux avis chez les savants. Il y a cet avis-là qu'on va voir dans un instant, que c'était un homme pieux qui donnait à manger aux Hujjaj, etc. Et donc, quand il est mort, ils l'ont adoré en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Et il y a un autre avis qui dit que, en fait, c'est le nom d'un rocher lisse qui était adoré en dehors d'Allah. D'accord ? Retournez à Ya'alak Mustafid, l'explication de Kitab Tawhid de Charles Fouzan, Inch'Allah. Donc, on a dit le huitième angle au sujet de ce que le shirk al-Alifas Miséricord a utilisé comme preuve concernant l'adoration par certains d'entre eux des arbres et des pierres. Il dit, et pour preuve des arbres et des pierres, la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens est, que vous ensemble des divinités, Lat, Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Surat Najm, verset 19-20. Donc le Cheikh a cité ici, et c'est l'huitième angle, comme je l'ai dit, le verset de Surat An-Najm. Et c'est la parole d'Allah dans la traduction du sens est. Donc vous comprenez qu'ici, pour les pierres et les arbres, il a utilisé comme preuve, Cheikh Islam Muhammad al-Wahhab, le verset de Surat An-Najm. Maintenant, Waj l'Istidlal, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi le témoin argumentatif pour lequel il a utilisé le verset de Surat Najm comme preuve des arbres et des pierres? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, en fait. C'est ça qu'il est en train d'expliquer le shérif ici. D'accord? C'est clair, ça. On va le voir, c'est quoi, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que le shérif, il a dit, il a rapporté de Dalil, et maintenant il faut voir c'est quoi le témoin. Il a cité le verset de Surat Najm. Mais comment le verset de Surat Najm est une preuve pour ce qu'il a dit, Cheikh Al-Islam Muhammad al-Wahhab? C'est quoi le témoin argumentatif dans le verset de Surat Najm? Donc le Cheikh a cité ici, c'est le huitième angle, comme je l'ai dit, le verset de Surat Najm, et c'est la parole d'Allah dont la traduction du sens est que vous ensemble des divinités Lat, Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, Surat Najm, verset 19 et 20. Al-Lat, Cheikh al-Bukhari dit, était un homme vertueux qui préparait de la farine fine mélangée avec du beurre fondu pour les pèlerins. Et le donnait à manger aux pèlerins. Et donc lorsqu'il mourut, ils ont construit sur sa tombe un édifice. D'ailleurs, cette explication comme ça, elle a été rapportée, je me souviens bien, par Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et c'est rapporté par Abu al-Jawza avec Sanad. Et Ibn Jarir aussi l'a rapporté de cette explication-là aussi avec son sanad. Retournez l'explication de Kitab Tawhid de Cheikh Al-Fawzan, il explique bien ça. Donc on a dit ici que c'était un homme vertueux qui préparait de la farine fine, ce qu'on appelle sawiq, mélangée avec du beurre fondu, avec samn. Hein? Vous connaissez samn ou pas? Hein? Non. D'accord. Pour les pèlerins, et le donnait à manger aux pèlerins. Donc lorsqu'il mourut, ils ont construit sur sa tombe un édifice, et ils ont mis sur cet édifice des voiles, astar, et il fut adoré en dehors d'Allah. Et Thaqif, qui est Banu Thaqif, la tribu de Thaqif, l'adora, et cet édifice, fut détruit par Khalid ibn al-Walid. Il dit le chef ici, عبدته ثقيف وهدمه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد فتح مكة والعزة شجرة عليها بناء وأستار أيضا وهي في وادي نخلة يسمى بوادي نخلة بين مكة والطائف وكانت قريش تعظم العزة حتى قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم قال يوم أحد لنا عزة ولا عزة لكم فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الله مولانا ولا مولى لكم الحديث عند البخاري والحديث عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Je lis tout et puis on va traduire le tout en arabe pour voir en fait c'est qui les trois Lat wal Uzza wa Manat. Wa Manat al-Sahih anha sakhra kabira qariban min jabali wa wadi Qudayd bin Makkah wal Madina huwa موضيع مشهور وجاء عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنها صنم بين مكة والمدينة كسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Donc le cheikh dit ici, je répète, comme ça on suit bien, par rapport à Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Al-Lat était un homme vertueux qui préparait de la farine fine mélangée avec du beurre fondu pour les pèlerins et le donnait à manger aux pèlerins. Et comme Cheikh Al-Fawzan, il dit que donc les gens l'ont aimé, d'accord, et quand il est mort, eh bien, ils ont commencé à l'adorer. Et donc lorsqu'il mourut, ils ont construit sur sa tombe un édifice et ils ont mis sur cet édifice des voiles et il fut adoré en dehors d'Allah et la tribu de Saqif l'adora. Et cet édifice fut détruit par Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu après la conquête de la Mecque. Et l'Uzza était un arbre sur lequel il y avait un édifice et des voiles aussi. Donc vous voyez un peu maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi il a cité le verset de Surat Najm par rapport aux arbres et aux pierres. D'ailleurs, il va citer par rapport aux arbres un autre dalil après, c'est quoi? C'est le hadith d'Abu Waqid al-Layfi. Donc on a dit, l'Uzza était un arbre sur lequel il y avait un édifice et des voiles aussi et se trouvait dans la vallée du palmier qui s'appelle Wadi Nakhla. Entre la Mecque et Taif, et Quraysh vénérait l'Uzza, à tel point qu'Abu Sufyan, quand il est trouvé la grée, avant qu'il se convertisse à l'islam, a dit le jour de Uhud, avant sa conversion à l'islam, nous avons l'Uzza et vous n'avez pas de Uzza. Le prophète, alayhi salatu wasallam, répondit alors par sa parole, Allah est notre protecteur et vous n'avez pas de protecteur. Et le hadith se trouve dans l'authentique de Bukhari, d'après la narration d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah le trio l'agré. Et au sujet de l'manat, maintenant la troisième, ce qui est correct, c'est que c'était un rocher. Donc vous voyez le dalil par rapport aux arbres et aux pierres, d'accord? Un grand rocher près de la montagne de la vallée de Qudayd, entre la Mecque et Médine, et c'est un endroit connu. Et il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari, d'après la narration d'Aïcha, qu'Allah le trio l'agré, qu'elle a dit, c'est une idole entre la Mecque et Médine. Elle fut cassée par Ali ibn Abi Talib qu'Allah le trio l'agré. Ce verset indique dalat hadhihi al-aya ayat najm an al-mushrikeena fi 'ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam minhum man kana ya'bud al-ashjar wa minhum man kana ya'bud al-ahjar wa minhum man kana ya'bud as-salihin bal wa yaqsimu ba'dhum biha ay bi hadhihi allati il marqué yab'uduha sah si ya'buduha une faute de frappe ici التي يعبدها من دون الله عز وجل ويتخذ ذلك معبودة من دون الله عز وجل وهم عادة كانوا يعتقدون أنها تصيبهم البركة منها إذا عبدوها تصيبهم البركة منها إذا عبدوها تصيبهم البركة منها ولهذا كانوا يرجون شفاعتها ويطلبون شفاعتها ونحو ذلك فتبرك بها وطلب الشفاعة منها من الشرك بالله عز وجل إذ هو من أفعال المشركين والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit ici, ce verset indique, le verset de Surat Najm, que les associateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, certains adoraient les arbres, et certains adoraient les pierres, et certains adoraient les vertueux, mais de plus certains juraient par eux. C'est-à-dire qu'ils juraient par ces choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah, le Très-Haut, et qu'ils prenaient comme objet d'adoration en dehors d'Allah, le Très-Haut. Et eux, avec cela, croyaient que la bénédiction les touchait par cela, et c'est pour cela qu'ils espéraient leur intercession, et ils demandaient leur intercession, etc. Et donc chercher la bénédiction de ces choses et leur demander l'intercession fait partie de l'association Allah, le Très-Haut, car cela fait partie des actes des associateurs qu'Allah nous en préserve. Alors j'ai tassé 9e angle et on ne va pas le terminer aujourd'hui. Dakara Sheikh fi khatimat yadi al-qaida hadith Abi Waqid al-Layfi radiyallahu ta'ala anhu. ولم يشير الشيخ رحمه الله الى من اخرج الحديث بمعنى لم يذكر من روى الحديث واخرجه و مدى ثبوت الحديث من عدمه والقاعدة أن الكلام عن فقه الحديث فرع عن ثبوته شغل الباني دي سايدي شرح الحديث فرع عن ثبوته أو عن تصحيحه تجيخ avant d'expliquer un hadith tu dois voir s'il est authentique ou pas et donc l'explication d'un hadith il découle d'abord d'établir son authenticité ou pas hein? C'est pour ça que vous voyez certains par exemple savants quand un hadith il est daif il l'explique pas par exemple il voit que les hadiths hein qu'il est daïf et il n'explique pas. D'accord? Ce verset indique. Bon, on a dit, le cheikh a cité ici la fin de cette règle, le hadith d'Abu Waqid al-Layfi, qu'Allah le trouve l'agré, et le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire cheikh l'islam, Mohammed ibn al-Wahhab, il a rapporté le hadith. Il a dit à la fin, al-hadith. Il n'a pas rapporté tout le hadith, mais il n'a pas rapporté aussi son tahrij. C'est-à-dire qu'il a rapporté parmi les savants du hadith, qu'il a rapporté, dans quel livre on peut le trouver, etc. Il n'a pas rapporté ça, cheikh l'islam, Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, et il n'a pas cité le degré d'authenticité. Il a juste cité le hadith, la partie du hadith. Il dit, il n'a pas indiqué qui a rapporté le hadith, c'est-à-dire qu'il n'a pas cité qui a rapporté le hadith. Et la cité ainsi que son authenticité ou pas. Et la règle est que la parole au sujet de la compréhension d'un hadith découle de son authenticité et donc il faut absolument qu'il soit authentique. Et quoi qu'il en soit, le hadith est authentique. Cheikh al-Bukhari dit والقاعدة الكلام عن فقه الحديث فرع عن ثبوته فلا بد من أن يثبت وبكل حال الحديث ثابت حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه حديث ثابت أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى والإمام أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح وصححه وغيرهم وكما قلت الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le hadith, il dit, le cheikh Hafidh Allah, Cheikh al-Bukhari, il dit, et la règle est que la parole au sujet de la compréhension d'un hadith découle de son authenticité, et donc il faut absolument qu'il soit authentique. Et quoi qu'il en soit, le hadith est authentique. Le hadith d'Abu Waqid al-Laythi al-Alagri. Le hadith est authentique et a été rapporté par Tirmidhi dans son Al-Jami' et il a dit que c'est un hadith Hassan Sahih. Il a aussi été rapporté par Al-Nasa'i dans le Kubra, Sunan al-Kubra, et l'imam Ahmed dans son Musnad, Ibn Hibban dans son authentique, qu'il a jugé authentique et... Il l'a jugé authentique par d'autres aussi. Et comme je l'ai dit, le hadith a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul Abu Waqid, kharajna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn. Hunayn wadin bayna al-Ta'if wa Makkata wa huwa ila Makkata aqrab. Yab'udu an sharqi Makkata nahwa min 26 milan من شرق مكة وحصلت فيها الغزوة الشهيرة غزوة حنين وكانت من السنة الثامنة من الهجرة في شوال من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر حدثاء عهد بالكفر أي قريب عهدنا بالكفر أي إسلامنا قريب قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها يعكفون العكوف والإقامة على الشيء في المكان منه قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون شيخ الفوزان يدي كم كون الاعتكاف سلفة دغسي دازان اندروا دازين موسكي أفنى دوغي الله عز وجل دوك قال يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ما معنى ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث ومراده بالحديث أي إلى آخر الحديث وتتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر في رواية الترمذي قال سبحان الله إنها السنن أي الطرق قلتم والذي بنفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون من سورة الأعراف. Donc Cheikh al-Bukhari حفظه الله il continue l'explication de cette troisième règle en disant Abu Waqid al-Laythi رضي الله عنه dans le hadith il dit nous étions sortis avec le prophète صلى الله عليه وسلم vers Hunayn. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis en expédition avec le prophète عليه الصلاة والسلام. Hunayn est une vallée entre At-Ta'if et la Mecque. Mais plus proche de la Mecque, il y a à peu près à 26 000 à l'est de la Mecque. Et la bataille célèbre y eut lieu, la bataille de Hunayn, qui eut lieu au mois de Shawwal en l'an 8 de l'Hégire. C'est important de retenir les dates. On sait l'An-Nabawiya, vous savez c'est quoi Ghazwat Hunayn, où est-ce que c'est Hunayn. On a dit que c'est entre Taif et la Mecque, plus proche de la Mecque, à 26 000 de la Mecque, et que cette Ghazwat, cette expédition-là, elle a eu en l'an 8 de l'Hégire, au mois de Shawwal. C'est facile à retenir, d'accord? Il dit, la huitième année après l'égir du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, nous étions sortis avec le prophète, alayhi salatu wassalam, vers Hunayn, alors que nous étions fraîchement, convertis à l'islam. C'est-à-dire que nous étions dans la mécréance il y a peu de temps. C'est-à-dire que notre conversion à l'islam était il y a peu de temps. Et les associateurs avaient un jujubier, un arbre auprès duquel ils restaient. Al-Ukuf. Ya'kufuna indaha. Al-Ukuf, c'est al-Iqamah. La résidence sur une chose, dans un endroit, et fait partie de ce sens, la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Nadi tamathil lati antum laha akifun. Surat al-Anbiya, verset 52. Il dit, auprès duquel ils restaient et ils y attachaient leurs armes, les mushrikim. Le sens de yanoutoun ou yunawitoun, c'est-à-dire yu'alliqoun. Ils y attachaient leurs armes, qui étaient appelées dhat anwat. Et donc nous passâmes près d'un jujubier et nous dîmes, ô messager d'Allah, donne-nous un dhat anwat comme ils ont un dhat anwat, al-hadith, jusqu'à la fin du hadith. Le sens d'Al-Hadith, comme on a dit, qu'on rapporte, c'est-à-dire quoi? Jusqu'à la fin du Hadith. Et la suite du hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est le plus grand, ce sont certes les voix. Dans une riwaya de Tirmidhi, Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Vous avez dit par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah, comme les fils d'Israël ont dit à Moïse, c'est dans la traduction du sens est, il dit, Rome Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu, il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Ici, il y a un point qu'on ne va pas voir aujourd'hui, comme on va voir dans les questions-réponses à la fin de ce cours, dans peut-être le cours prochain ou le cours d'après, c'est que Cheikh al-Bukhari, il dit, tu ne peux pas croire que les sahaba, ils ont commis du shirk. Attention. Ça, on va le voir. Inch'Allah, mais je le dis déjà pour l'annoncer, d'accord? Et Cheikh al-Bukhari va bien expliquer ça, Inch'Allah. Donc ici, il a dit, vous êtes certes des gens ignorants, sur l'Arab verset 138, ce hadith, le hadith Abu Waqid al-Laysi. Hadith Abu Waqid al-Laysi, radiallahu ta'ala anhu, yadullu ala anna al-mushrikin kan ya'kufuna inda sidratin wa yuqimuna indaha, sababu iqamatim indaha, wa tabarruku biha. Sababu al-ukuf wal-iqama, wa ta'liqu al-asliha, wal-baraka, wa tabarruku biha. وتعظيمها ولهذا أناط بها ماذا الأسلحة ولهذا سميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله ففيه أن عبادتها كانت بتبرك بها بماذا كانت تعبد كانت تعبد بتبرك والتعظيم فالحديث يدل على النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلون إلا ما جاء في شرعنا ما يدل على إباحته وجوازه يعني ليست كل أفعال ما كان يفعله المشركون ليست كل ما يفعله المشركون أو أهل الجاهلية وأهل الكتاب هو ممنوع هناك أعمال أقرها الإسلام أليس كذلك من الصدق والوفاء وغير ذلك والكرم والشجاعة وقننها وصوبها وحددها ومنها ما جاء شرع بردها ونقضها والتحذير منها وهذا الفعل منها أعني الفعل وارد في حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه. Ici aussi, il y a une faute de frappe. Il est mis, il y a un ya, en fait, c'est une alif, normalement, maqsoura, qui doit être, c'est ta'ala, c'est pas ta'ali. D'accord? Ça, c'est une faute de frappe aussi. Corrigez-la si vous avez l'effet en arabe devant vous. Donc, le shir, il dit, ce hadith, le hadith d'Abu Waqid Laysi, on arrive à la fin du cours petit à petit, inshallah. Car là, le troulagré indique que les associateurs restaient auprès d'un jujubier, un arbre, et ils résidaient. Et la raison pour laquelle ils y résidaient est qu'ils cherchaient la bénédiction par ce jujubier. La raison pour laquelle ils y restaient et y résidaient et qui y accrochaient les armes, c'était la bénédiction ou de chercher la bénédiction par ce jujubier et de le vénérer, ta'zim. Et c'est pour cela qu'ils y accrochaient quoi? Ils y accrochaient les armes. Et c'est pour cela qu'il fut appelé dhat anwata. Et il, c'est-à-dire l'arbre, était adoré en dehors d'Allah. Il y a donc dans ce hadith que leur adoration était qu'ils cherchaient la bénédiction par cet arbre. Par quoi était-il adoré cet arbre? Par at-tabarruk, le fait de chercher la bénédiction, et ta'zim, la vénération. Le hadith indique donc l'interdiction d'imiter les gens de la période pré-islamique, Ahl al-Jahiliya, et les gens du livre, Ahl al-Kitab, dans ce qu'ils faisaient, à l'exception faite de ce qui était rapporté dans notre religion, indiquant que celui-ci était permis. C'est-à-dire que ce n'est pas que toutes les actions que faisaient les associateurs sont interdites. Ce n'est pas que tout ce que font les associateurs, ou les gens de la période pré-islamique, ou les gens du livre, est interdit. Il y a des actions qui ont été approuvées par l'islam, n'est-ce pas? Comme la véracité, et le fait de tenir ses engagements, etc. La générosité, le courage. Et l'islam les a codifiés et corrigés et définis. Il y en a au sujet desquels notre religion est venue les réfutant et les annulant et mettant en garde contre elles. Et cette action dans le hadith d'Abu Waqid en fait partie. Cheikh il dit, je veux dire par là l'action qui était rapportée dans le hadith d'Abu Waqid qu'Allah le trouve l'agré. Et l'interdiction aussi se trouve dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le fait de demander un arbre. والنهي في هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب شجرة هم طلبوا ان يجعلوا لهم شجرة لاولئك شجرة النبي عليه الصلاه والسلام جعل طلب شجرة كما فعلوا جعل هذا من المشاهبه للمشركين واستدل لهم في ذلك بقوله جل وعلا قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه فهذه قاعده عظمى كن منها على ذكر. وفي الحديث أيضا من الفقه الخوف من الشرك ذلك أن المرء قد يستحسن أمرا أن المرأة قد يستحسن أمرا. On va s'arrêter, vous allez voir pourquoi, inshallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le fait de demander un arbre. Ils ont demandé qu'ils aient un arbre comme cela avait un arbre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré le fait de demander un arbre comme ils l'ont fait, comme faisant partie du fait d'imiter les associateurs. Il leur a donné comme preuve de cela la parole d'Allah. Comme vous avez dit, comme les fils d'Israël ont dit à Moïse, ce dont la traduction du sens est, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Surat Al-A'raf, verset 138. Ceci est donc une règle très importante. Rappelle-toi cette règle, mes chéris. Il y a aussi dans le hadith, en termes de compréhension, la peur de l'association. Car il se peut qu'un individu juge quelque chose comme convenable. Puis le chéri va s'arrêter. Et entre parenthèses, l'année passée, j'ai, alhamdoulilah, m'a facilité le Umrah, et j'étais là à ce cours-là, et j'ai vu ce qui s'est passé à ce cours-là, en fait. Cheikh, il dit ici, regardez en arabe, il dit, Adon Kala Tusawir. Hein, c'est quelqu'un, en fait, Cheikh, il a quelqu'un qui tenait un téléphone, qui était sur une chaise, et qui tenait un téléphone et qui regardait le Cheikh comme ça. Et le Cheikh, il a dit, je pense que tu ne filmes pas, et je ne t'autorise pas de filmer, et la financière par rapport à ça. Ouais, parce que c'est vous allez dire, mais ça n'a rien à voir avec le hadith, non. Ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la mosquée, ou Majid Redouane ou Cheikh Al-Bukhari dans son cours. Ils l'ont fait effacer les enregistrements, etc. Mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Une fois, quand j'étais à Nice, il y a Hassan qui était dans la salle. Il était prendre quelqu'un et il lui a dit, tu vas effacer la photo que tu as prise du frère Mehdi. Tu vois? Parce que Hassan, il l'a vu. D'accord? Il y a des gens qui font ça. Hein? Qui prennent des photos, qui filment, etc. Et il y a même des gens qui, tout ce qu'ils font, ils doivent le filmer. À tel point qu'ils prennent des photos de mashiach, alors que certains mashiach, ils disent, ils ne pardonnent pas celui qui fait ça. Subhanallah, partout où ils vont, ils ont leur téléphone en main, ils ont surtout avec les caméras, on connaît sur les téléphones et les photos, ils doivent tout prendre en photo, tout. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils. Hein, c'est une mosiba ça. D'accord, et moi je me souviens de cette image-là, le frère il tenait le téléphone comme ça, Cheikh Al-Bukhari, il était juste devant le Cheikh en plus, en plein dans l'axe. Le Cheikh lui a dit, Adonuka, Inch'Allah, il est là, tu savoures, il lui a dit, Et il lui a fait cette nasiha là. Donc le cheikh dit, il ne fait rien. Et puis on va revenir au hadith. Je traduis cette nasiha par rapport au fait de filmer, de prendre des images, etc. Il y a aussi dans. Cheikh dit, je pense que tu ne filmes pas. Je répète, je n'autorise pas de filmer. Je ne vise pas un individu spécifique, mais un frère ne sait pas, ou c'est sa première rencontre et il vole des images. Je ne le permets pas. Qu'Allah vous bénisse, il n'y a de capacité ni de puissance qu'en Allah quant à cette fitna qui est généralisée et par laquelle beaucoup sont éprouvés. Ils ne font rien sans qu'ils ne le filment. Nous demandons à Allah de nous préserver, de nous protéger. Puis le shirk, il revient au hadith, il dit « Aqul fihi al-khawf min al-shirk dalika anna al-mar' qad yastahsinu amran yadulluhu an yuqar annahu yuqarribu ila Allah » Encore une fois, une faute de frappe ici, c'est alif maqsoura, c'est pas l'alia « ila Allah » « wa idha bihi yub'iduhu min Allah bal wa yuqarribuhu min masakhitihi jalla wa azz » فانتبه ليس كل ما تستحسنه يكون مستحسنا شرعا يجب ان يكون مجازا شرعا واضح دونك شيخ لي كونت il a dans ce hadith la peur de l'association car il se peut qu'un individu juge quelque chose comme convenable pensant que cela le rapproche d'Allah alors que cela l'éloigne d'Allah mais de plus cela le rapproche des causes de la colère d'Allah. Prends donc garde, ce n'est pas toute chose que tu juges convenable qui est convenable dans la religion. Il est obligatoire que cela soit autorisé dans la religion, est-ce clair? Et on s'arrêtera là. Et rappelez-moi que la prochaine fois, Inch'Allah, on doit faire la parole d'Ibn Qayyim dans Iratat al-Lahfan pour compléter cette troisième règle. Puis on rentre dans la quatrième, Inch'Allah. On aura fini les quatre règles. Et après, on ne nous reste plus que les questions-réponses. Et avec ça, on aura fini ce livre. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.